Je vais, en espagnol, se dit voy. Voy. S'écrit V-O-Y. Voy. Le V se prononce comme un B. Donc, voy, voy, je vais. Comme en français, on emploie aussi le verbe aller pour parler de ce qu'on va faire, de ce qu'on s'apprête à faire. Par exemple, vous l'emploierez pour dire que vous allez manger, que vous allez sortir, etc. En espagnol, pour dire ce que vous allez faire, ce que vous vous apprêtez à faire, vous emploierez voy. Je vais, suivi de a. Voy a. Littéralement, je vais à, c'est-à-dire je m'apprête à, je veux faire quelque chose. Donc, on a boy suivi de a, boy a, je vais, je m'apprête à, boy a, ça s'écrit en deux mots, boy et a, mais à l'oral, on les prononce d'une traite et on entend boya, comme si c'était un seul mot. Boya. Hein, boya. Donc, ne marquez pas de pause entre les deux mots. On ne dit pas boya, mais boya. Alors, si vous voulez dire je vais manger maintenant, littéralement, je vais à manger, ça sera boya comer. Bien, voy a comer. Maintenant. Ahora. D'accord. Voy a comer ahora. Et je vais sortir ce soir. Voy a salir. Salir, hein? Voy a salir. Hein? Ce soir. Esta noche. Bien. Voy a salir. Esta noche. Et je vais l'acheter. Voy a comprarlo. C'est ça. Voy a comprarlo. Et je ne vais pas l'acheter parce que c'est très cher. No voy a comprarlo. No voy a, encore une fois. No voy a comprarlo. D'accord. No voy a comprarlo. Porque. Porque, hein? Parce que c'est très cher. Es muy caro. D'accord. Porque es muy caro. Parce que c'est très cher. No voy a comprarlo. Je ne vais pas l'acheter. No voy a comprarlo porque es muy caro. Comment direz-vous « Je vais vous dire quelque chose »? Voy a decir. Je vais vous dire. Voy a decir le. Voy a decir le. Oui, très bien. Quelque chose. Algo. Bien. Voy a decir le. Hein? Voy a decir le. Je vais vous dire algo. Quelque chose. Voy a decirle algo.